quelqu'un. Et qui donne la peste pour éviter les problèmes. Juste du sexe parce que c'est ce qu'on aime. Je ne connais ni son prénom ni son âge. Ce dont je suis sûr c'est qu'elle est juste de passage. Et nous ne sommes pas là pour faire du bavardage. Juste du sexe, je veux juste du sexe. Laisse-moi t'en montrer, laisse-moi t'approcher. Laisse-moi te toucher, laisse-moi t'emmener. Juste du sexe, je veux juste du sexe. Juste du sexe, juste du sexe. Une nuit de sexe dans cette chambre d'hôtel. Sans aucun complexe, on se donne tel quel. Et quitter la peste pour éviter les problèmes. Juste du sexe parce que c'est ce que l'on aime. J'espère seulement que tu puisses me satisfaire. Ce que tu peux penser, je t'avoue, je n'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est que tu la prennes tout entière. Juste du sexe, je veux juste du sexe. Je te promets que rien ne sera banal. Un petit tour du côté, je anal. Et par-dessus tout, je veux que tu avales. Juste du sexe, juste du sexe. Une nuit de sexe dans cette chambre d'hôtel. Sans aucun complexe, on se donne tel quel. Et quitter la texte pour éviter les problèmes. Juste du sexe parce que c'est ce que l'on aime.